أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا تكلمنا عن الطهارة والغسل، تفاصيل في ذلك. والآن نتكلم عن شروط الطهارة. إذن من شروط الطهارة الإسلام والتمييز وعدم المانع من وصول الماء إلى المغسول والسيلان وأن يكون الماء مطهرا. نشرح هذا. Donc on parle des conditions de la purification après avoir parlé du ghusl. نأكد أن هذه أشياء مهمة في الشريعة الإسلامية وأن النية وحدها لا تكفي. أن الشيطان يأتي للناس يقول له يكفي النية، أنوي الخير صافي. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Donc on a dit ces choses sont importantes dans l'islam, parce que Shaitan il vient à la personne, lui dit ah c'est bon, tu mets la bonne intention, tu fais n'importe quoi. Allah ghafur rahim. Allah ghafur rahim, Allah shadid al-iqab. Donc Allah ghafur rahim est celui qui a le châtiment dur aussi. Comme le prophète il a dit waylun al-aqabi minan nar. Qala alayhi salatu wa salam waylun al-aqab minan nar. النية وحدها ما تكفيش. Donc la bonne intention tout seul ne suffit pas. Parmi les conditions de la purification pour que soit valable, il y a l'islam, la distinction, qu'il n'y a pas quelque chose qui empêche l'eau de parvenir et que l'eau coule et que l'eau soit purificatrice. نشر الطهارة الإسلام معناها إذا إنسان مش مسلم لا يصح، ليس كما يفعل كثير الجهال. واحد كافر يقول له برا دوش، ليش برا دوش؟ هذا لا يصح منهم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ولو كان وسخا يدخل الإسلام بالشهادتين، مش شرط يغتسل، مش شرط طهارة، ولا تصح منه الطهارة على الكفر. حتى إنسان عربي سب الله خلوش برا اغتسل، تشهد أول شيء، تشهد حتى يدخل الإسلام. ماذا قلنا؟ بعد يعيد الغسل للصلاة، الكافر يتشهد وبعد يغتسل للصلاة. فالناس من الجهل قلبوا الشيء. وكما إنسان يسمع هكا شوية قصة مع طول مدة يخلطها يقلب هكذا. سمعوا على جدودهم أشياء ولكن بعدوا على العلم. مع الاستعمار الناس بعد العلم فقلبوا الأشياء. يسمعوا يقول لك قبل يسمعوا يتشهد ويغتسل للصلاة، مع طول المدة خرفوا برشا ناس. يقول لك سمعنا غسل أنا هو الأول، يقول لك برا الغسل قبل. هذا الواقع، الناس بعدت. هل أليس هذا الذي نشاهده في بلاد المسلمين الآن؟ يعلمون فلسفة، تلقى في بلاد العربية ملحدين، تمشي في بلاد العربية تلقى ملحدين في الجامعات. مشيت المغرب أنا، مشيت تونس، يعني تونس ثم ملحدين. فين هذه؟ مش في أمريكا، في بلاد العربية. دونك alors parmi les conditions de la purification est l'islam bien sûr. Que sans l'islam, c'est pas valable. Le verset qui signifie les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. C'est pas comme qu'un ignorant, quelqu'un qui veut se convertir lui dit va faire le rousse. Quelqu'un qui insulte Dieu lui dit va faire la douche. C'est pas valable de lui. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? les gens, avec la colonisation, tout ça, ils ont été éloignés de l'enseignement. Ils ont gardé des vagues souvenirs de leurs ancêtres. Ah, on parlait de faire shahadatayn, après on fait le ghusl. Après, quand c'est vague, comme quelqu'un il a une histoire vague, il inverse la chronologie. Et bien, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Ils ont gardé des vagues souvenirs, ils ont entendu ghusl shahadatayn. En fait, c'était shahadatayn, conversion, après le ghusl. Ah, après, avec l'ignorance, ils ont inversé. Alors, ça c'est la réalité, personne ne peut nier. Dans les pays musulmans, on trouve des gens athées. Et on a, il suffit d'aller dans les pays musulmans, il y a des gens qui sont à la fac des athées. C'est pas en Amérique, c'est dans les pays arabes. Donc ça veut dire que les gens, ils ont été éloignés de la religion. Quelqu'un, il n'est même pas musulman, il dit, viens faire la douche. Même si quelqu'un, il est tout sale, il sent mauvais. Pour devenir musulman, la première chose, c'est shahadatayn. Il ne peut pas retarder. Parce que la mort, l'ange de la mort, il n'attend pas que tu te douches. Il peut venir n'importe quel moment. Dans ton lit, dans ta douche, dans la rue, partout, il peut venir. Dans la joie, dans la tristesse, l'ange de la mort, il peut venir. Comment quelqu'un, il n'est pas musulman, il va se doucher. Il doit dire les deux témoignages. Après, il fait le ghusl pour la prière. Et quelqu'un qui a fait la mikra'a, s'il a insulté Dieu, par exemple, il fait le shahadatayn, après il refait le ghusl chez les malik, il doit refaire le ghusl. Mais tous les savants, parce que c'est le hadith, il doit faire shahadatayn d'abord. Il fait les deux témoignages, après le ghusl pour la prière, c'est ça. C'est ça le, donc, l'ordre très connu. Rasoul alayhi sallallahu alayhi sallam, كجاء هذا كافة في الحرب في الغزو قال أسلم أم أقاتل قال له أسلم فأسلم فقاتل فقتل الرسول ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال عمل قليلا وأجر كثيرا عمره لا صلى ولا صام دخل الإسلام ما بقاش وقت في يعمل المعاصي مات شهيد أنا الله يهدي ما يشاء عم النبي وعاش وشاف النبي ودافع الرسول والله ما اعطاهش الإيمان لأن الله يفعل ما يشاء قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في السماوات والأرض كلهم جميعا الله يفعل ما يشاء ما نقولوش ربي علاش وكيفاش وعلاش تهدي فلان وتهدي فلان الله يفعل ما يشاء فرعون الله جعله كافر وزوجته آسيا من أفضل نساء العالمين جعلها مسلم لوط مسلم نبي كريم ولده زوجته كافرة نوح أليس من أفضل الأنبياء سيدنا نوح من أولي العزم وزوجته كافرة وعنده ابن كافر أنا الله يأتي لمن يشاء تلقى عم النبي عربي وعاون الرسول وربي ما اعطاش الإيمان وفرنسي عايش في الغربة والله رزقه الإسلام الله يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون donc l'islam c'est la première chose donc c'est la conversion après le ghusl c'est pas à l'inverse pas astaghfirullah c'est shahadatayn c'est connu dans le hadith par exemple dans le hadith il y avait une bataille il y avait un mécréant qui est sorti avec les gens de sa tribu qui étaient des musulmans et puis lui il était mécréant il est venu au prophète il a dit je combats ou je deviens musulman. Il a dit, je deviens musulman. Il n'a pas dit comme les imams des mosquées là, de nos jours, ah, va réfléchir. Et là, ils nous ont raconté. Elle m'a dit personnellement, elle est partie, elle m'a dit quelle mosquée. Il lui a dit, va réfléchir à moi et reviens me voir. Quelqu'un, il m'a raconté personnellement, il était rue Mira. Ça, c'est un bon musulman français que je connais. Un bon ami à moi, on était chez lui, il nous a invités, et je dis, comment t'as connu l'islam ? Il m'a dit, je travaille avec des arabes, comme souvent, ils fréquentent des musulmans, et puis ils s'intéressent à l'islam. Il est parti à la mosquée, rue Mira, il me l'a raconté lui. Il m'a dit, j'ai trouvé, il mangeait le couscous, j'ai mangé avec eux, mais il n'était pas musulman, il était gaucher. Ouais. Il commence à manger avec la gauche, l'imam il regarde, il lui dit, toi tu ne peux pas devenir musulman. Moi-même, j'étais choqué. Première fois, j'entends une bêtise comme ça. Ça, c'est de la mécréance, bien sûr. L'imam Nawawi, il parle de ça. J'ai déjà ramené le livre de l'imam Nawawi. Il parle de ça il y a plus de 500 ans. Il dit, si quelqu'un qui veut devenir musulman, tu lui dis, attends, tu sors de l'islam. Parce que quand tu lui dis, attends, c'est comme si tu lui as dit, reste encore mécréant. Il lui a dit, non. C'est quelqu'un qui me l'a raconté lui-même. C'est pas dans un journal. Après, il est parti. Saint-Ouen. Côté, connaissez la mosquée à côté de Conforama. Et il lui a dit, je veux devenir musulman. Il lui a dit, va te doucher. C'est de la mécréance, mes gens. Il a dit, je suis parti me doucher. Il est revenu, il a dit, non, va te doucher encore. Quand il est venu chez nous, il a trouvé comme ça sur Internet notre adresse, il est venu, on lui a dit, dis-le des témoignages. On n'invente pas une religion, c'est le prophète qui a dit. Le prophète nous a montré comment on se convertit, pas par la douche. الرسول وقت مشى يهودي على فراش الموت اش قال له قال له اسلم قال له شافش ندوشو لك شاف البوه هذا اليهودي ابوه قال له اطيع ابا القاسم شهد ومات الرسول عليه الصلاه والسلام قال الحمد لله الذي انقذه بي من النار يا فيك البروفيت il est parti voir un juif un jeune qui était sur l'île de la mort il lui a dit rentre en islam. Il regardait son père, il a eu peur. Son père, il lui a dit, obéis à Aboul Qasim. Le prophète, il l'appelait Aboul Qasim. Et il s'est converti, il est mort. Le prophète, il a dit quoi? La louange à Dieu qui l'a sauvé par ma cause de l'enfer. Il n'a pas dit, attendez, on va faire le rossel, on va faire circoncision. Globalataha. Kbir, omro, tragedes. Globalataha, c'est ça. Rendez-vous, anesthésie ou kadha, ou par exemple, je te dis, je fais le jahel. Je donne le jahel. والجاهل ما هوش عذر هذا زعم إمام وجاهل لو جابوا له فاليزة فيها دولار بيقولش استنى شر ورجع يقول آه صحيت ces imams là c'est des ignorants si on leur ramenait une mallette plein d'argent il va pas dire attends à moi il réfléchit il va dire merci الرسول قال لأن يهدي الله بك واحدا خير لك من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها الرسول يتكلم. Le prophète, il a dit que tu sois la cause de la guidée de quelqu'un, c'est mieux pour toi que le bas monde qui contient. Pour dire l'ordre de comparaison. Comment ils sont ignorants, soi-disant imams. C'est-à-dire que c'est des gens qui cherchent l'argent. Il a bien compris. Parce que si on lui a ramené une grande Mercedes, on lui dit on te l'offre, il ne va pas dire réfléchis à moi, il revient. Et là, le prophète, il dit c'est mieux que le bas monde qui contient. Le prophète, il ne dit pas n'importe quoi. C'est mieux que le bas monde qu'on contient. Et c'est vrai. Et donc, c'est le jahl zalab. Allah m'a dit, il dit, « Rabbi, zidni ilma. »« Yarfa'i Allah alladhina amanu minkum, walladhina outu l'ilma darajat. »« Alayhi, n'aoudou. »« Alayhi, t'as dit à l'ouak. »« Wa dhakir fa inna dhikra, tanfa'u l'mu'minin. » Donc, Allah nous, apprend, nous enseigne l'importance de la science. Pourquoi on répète? C'est pas parce qu'on n'a rien à faire. C'est que la science, c'est la lumière. Sans la science, t'es perdu. À mon avis, je pense que un tel, il a dit ça avec les mots. La science, c'est la lumière. Sans la science, t'es perdu. Donc c'est pour ça que le Coran, il insiste. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا qui signifie, dit, oh Allah, augmente ma connaissance. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طه الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين